Nous écoutons Paolo Tortone. Bonsoir. On m'a demandé de dire un mot sur la question parisienne, comme dirait Madame Fioraso, et notamment sur la question du rapport entre la notion de regroupement et celle de remembrement. Celle de remembrement impliquant l'idée qu'il y a eu un démembrement, et vous savez bien qu'il y a bel et bien eu démembrement après 1968 dans l'université de Paris, dite Sorbonne. Donc cela implique le fait que je vais essayer de voir cette question de regroupement dans une vision un petit peu historique, sans être historien. J'ajouterai que mon intention, en abordant des faits que vous connaissez bien, est d'avoir une petite réflexion qui puisse nous aider dans la défense du point de vue des universitaires, non pas tellement dans les discussions entre nous, mais à l'égard de l'opinion. Il me semble que nous avons un premier problème qui vient d'être évoqué, qui est, disons, le manque de participation de nos collègues depuis quelques années autour de cette question de la politique universitaire en général et des regroupements en particulier. Je serai d'accord avec la dernière intervention. Je pense que nos collègues, ce n'est pas seulement qu'ils manquent d'informations, c'est qu'ils ne veulent pas être informés, ils ne veulent pas y penser. Ils ne veulent pas y penser parce qu'ils ont été traumatisés en 2009 après le mouvement et son issue peu favorable. Et dans les sociétés modernes, il y a des zigzags entre engagement et désengagement. Les sociologues le savent bien. Et nous sommes dans une phase de désengagement politique évident dans le milieu qui est le nôtre. Ce n'est pas une remarque optimiste, mais je pense qu'il vaut mieux être lucide. Il y aura sans doute un moment dans lequel ils se sentiront atteints directement et personnellement dans leurs intérêts, et là, ils vont réagir. Hélas, trop tard. Bien. Si je suis là, ça veut dire que je ne partage pas leur attitude. Je cherche simplement à la décrire. Donc, pourquoi regrouper les universités? Au fond, c'est une question qui reste toujours en dessous de nos discussions lorsque nous sommes en train de parler de différentes manières de les regrouper. Et pourquoi les regrouper? Est-ce que nous donnons pour acquise cette nécessité? Alors, si je pense aux attitudes gouvernementales des dernières années, je veux dire à partir de 2006 en gros, il me semble qu'il y a eu différentes manières de justifier la politique de regroupement. Et donc, je regrouperai ces différentes manières en deux philosophies principales. La première serait celle qui prétend qu'il faut regrouper pour hiérarchiser, c'est-à-dire concentrer les moyens dans quelques grands pôles, réduire le financement des autres universités pour produire un système à deux niveaux. Université de recherche, selon l'expression américaine, et université de seul enseignement, sans doctorat, sans master, plus proche des collèges à l'américaine. J'ai vu réapparaître cette interprétation de la politique actuelle, ou cette justification de la politique actuelle, dans une intervention de M. Belloc il y a quelques jours, qui se démarquait nettement de la politique du gouvernement actuel. Vous vous souvenez de M. Belloc qui était conseiller à l'Élysée sous Sarkozy. La deuxième manière de justifier le regroupement me paraît celle qui prétend qu'il faut regrouper pour rationaliser. Elle domine aujourd'hui, c'est un mot que je n'ai pas inventé, je l'ai pris dans la prose de Mme Bonafous et de Mme Fioraso. Rationaliser, vous le savez bien, vous connaissez la culture et l'histoire française. En France, rationaliser, ça veut dire concentrer. C'est la seule langue au monde où les deux mots sont équivalents. Et rationalisation, dans ce cas, signifierait réunir toutes les universités actuelles dans des structures universitaires de grande taille, avec, à mon avis, trois cas qui restent différents et qui sont les cas des grandes villes, les cas des régions et le cas de Paris. Alors vous avez là symétriquement deux faces de droite et de gauche entre guillemets, dans le sens que ces deux philosophies ont été affichées par un gouvernement de droite et par un gouvernement de gauche, deux faces différentes et opposées de la même politique. Cette même politique, elle a été dictée, vous le savez, par l'idée obsédante qui a gagné les esprits des classes dirigeantes politiques en France, l'idée obsédante, la peur des classements internationaux. On a dit, moins souvent depuis quelques années, mais très très souvent à l'époque de M. Gillet, à l'époque de Mme Pécresse, qu'il fallait absolument se réunir pour monter dans les classements internationaux par la voie d'une concentration des ressources ou tout simplement d'une concentration du nombre de publications. L'aspect, le caractère puéril de cette politique qu'on a appelée d'excellence n'échappe à aucun universitaire étranger, et j'espère à beaucoup de nos collègues non plus. Alors, dans le premier cas, on pouvait faire un certain nombre de remarques sceptiques sur la possibilité de la politique, disons, à la Belloc. L'État ne pouvant guère produire par décret l'excellence des plus grands, et la hiérarchisation ne pouvant passer qu'à travers la dégradation ou la suffocation des petits. Ce qui est extrêmement douloureux, destructeur de ressources humaines et en plus qui se heurte à énormément de résistance, en très grande partie légitime. Dans le second cas, la rationalisation imposée par l'État se réduit en fin de compte à une centralisation qui produit une restructuration. Une restructuration qui détruit à travers le regroupement de fonctions identiques en une seule structure. Exactement comme à la suite d'un phénomène de concentration industrielle où tous les doublons doivent sauter. Et les doublons ne manquent pas dans les regroupements qui nous ont imposés. Donc, vous le savez mieux que moi, après des décennies pendant lesquelles toute la classe politique française a souhaité multiplier le nombre des universités en France, on a assisté à un revirement soudain et aujourd'hui, tout le monde ne jure que par la réduction du nombre d'universités que certains ont voulu justifier par la valeur libérale de la concurrence pendant quelques années et que d'autres, aujourd'hui, justifient par le discours de la stratégie territoriale de l'État. Alors, en réalité, et au-delà de ces discours opposés, qu'est-il en train de se passer? Prenons donc le cas de Paris, comme je l'avais promis, dans ses aspects particuliers. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Paris? C'est que nous avons une situation héritée du démembrement de la Sorbonne en 1969. Je le rappelle rapidement, pour ceux qui seraient trop jeunes pour s'en souvenir, moi-même je ne l'ai pas vécu évidemment, et malheureusement on dispose peu de travaux d'historiens sur le démembrement de la Sorbonne en 1969. Il y aurait de bonnes thèses d'histoire à faire à mon avis là-dessus. C'est juste une suggestion pour vos élèves. Alors, on a coupé la Sorbonne, vous le savez, en 6 parties, jouant sur le fait que l'université française, vous le savez, était jusqu'alors organisée par facultés. Il n'y avait juridiquement que les facultés, pas des universités, donc des facultés très autonomes. C'était la particularité française par rapport aux autres pays européens. Alors, l'argument principal au niveau politique, à partir de 68 et jusqu'aux années 90, a été le nombre d'étudiants augmente. Il y avait d'autres raisons politiques, ou il y avait des interprétations politiques différentes de cet argument, mais il reste que cet argument était sérieux. C'était une situation de fait incontestable. Il y avait 30 000 étudiants à Paris avant la guerre. Il y en avait 120 000 en 68, tenant compte de tout, pas seulement des universitaires, bien sûr. Et surtout, au milieu des années 60, il y a eu une augmentation vraiment impressionnante, autour de 63-65, hein, très très fort. En tout cas, tout au long des années 60, on est passé de 200 000 à 600 000 étudiants en France, si mes sources sont bonnes, donc entre 1960 et 70, c'est une source ministérielle, je n'ai aucune raison de ne pas la croire. Alors, il y a la loi Faure à l'automne 68. La loi Faure supprime les facultés, c'est ça la grande nouveauté, crée les UFR et les universités. Quelle est la logique qui est adoptée à ce moment-là ? Casser les facultés en différentes UFR et puis reconstituer des universités à partir des UFR. Mais l'organisation par faculté, qui était la véritable structure de l'université française jusqu'alors, est restée donc, comment dire, comme la structuration de fond de laquelle on n'a jamais pu se départir d'une manière complète, à mon avis. Donc nous avons eu la constitution des 6 universités, puis 7 de Paris-Centre, selon deux logiques, vous le savez mieux que moi, logique de scission interdisciplinaire, si je peux dire, de séparation entre disciplines, sur le modèle des grandes facultés, et logique de scission intradisciplinaire, si je puis dire, qui sont des scissions politiques. Donc, soit les facultés se sont séparées, ou ont continué de rester séparées, juristes d'un côté, médecins de l'autre, littéraires de l'autre encore, soit à l'intérieur des facultés traditionnelles, on s'est séparé, donc on a brisé les facultés, sur la base d'un clivage politique. On était en 68, 69, 70, donc le clivage politique était 1000 fois plus sensible qu'aujourd'hui. 6 universités ont été créées ainsi, vous savez très bien cela. La scission entre disciplines a donné 3 groupes. Un groupe de 2 universités de sciences humaines et sociales, Paris 1 et Paris 2, avec une forte dominante juridique. Un groupe d'universités de lettres, au sens large, Paris 3 et Paris 4. Un groupe de 2 universités de sciences expérimentales et de médecine, Paris 5 et Paris 7. La scission à l'intérieur des disciplines, c'est-à-dire la scission droite et gauche, a donné à droite Paris 2, Paris 4 et Paris 5, et à gauche Paris 1, Paris 3 et Paris 6. Je ne vous apprends rien de nouveau, mais je voudrais vous faire réfléchir sur l'importance de ce passé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors tout cela a peu évolué depuis 1970. Il a quand même évolué un peu. Surtout, le clivage politique est devenu beaucoup moins sensible. Quelquefois, il a disparu, beaucoup moins sensible, notamment entre Paris 3 et Paris 4, un peu moins entre Paris 1 et Paris 2, certainement moins qu'auparavant, moins qu'en 69. La séparation des disciplines a demeuré, évidemment, sauf quelques petits aménagements, création de nouvelles UFR par-ci, par-là. Ensuite, il y a eu le développement des universités de banlieue. Je vous fais là aussi un petit historique très rapide. La seule qui existait déjà en 68 est Nanterre, Paris 10 Nanterre, qui existe à partir de 64 par bout, progressivement, et avait déjà 14 500 étudiants en 68. Donc, une université déjà assez importante. À l'automne 68, tout de suite, peu de mois après mai, il y a eu la création de 2 universités, Vincennes à gauche, si je puis dire, même si elle est à droite dans la carte, et Dauphine à droite, même si elle est à gauche sur la carte. Il suffit de regarder, alors. Il suffit de le renverser, voilà. La logique disciplinaire d'un côté, parce que c'était une université de sciences économiques à Dauphine, et de sciences humaines à Vincennes, mais la logique était politique très clairement aussi. Alors, vous savez l'histoire de Vincennes qui a été transférée et qui est devenue Saint-Denis. Alors, Paris 7 a une histoire et une naissance un peu différente. Elle naît officiellement au début 71, pardon, un peu plus tard, à travers un processus très complexe et très conflictuel qui lui permet de tirer son épingle du jeu, je trouve, de devenir la seule université multidisciplinaire de Paris-Centre, ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Donc Paris 7 est la seule qui est née dans une autre logique par rapport à celle que j'ai évoquée. Une logique, à mon avis, en voyant les choses ex post, plus intéressante. Ensuite, il y a eu Paris 11, c'est-à-dire Paris Sud, toujours en 71, qui est toujours resté scientifique, Paris 12 et Paris 13, c'est-à-dire Val-de-Marne et Villetaneuse en 70, toutes les deux, d'abord un noyau scientifique uniquement, et ensuite ce sont devenues des universités multidisciplinaires avec un spectre plus ou moins large. Donc, en 71, le paysage était plus ou moins défini. Il faut attendre 90 pour qu'une nouvelle vague apparaisse. Vous vous souvenez du plan Université 2000 qui a été adopté par le gouvernement Jospin en 1990, hein, 10 ans avant l'année 2000 qui lui donne son nom, et qui nous a valu Versailles-Saint-Quentin, dont la construction progressive avait débuté en 87. C'était des tronçons de Paris-Sud, de Nanterre et de Paris 5 qui ont été regroupés, d'abord localisés près de Saint-Quentin à Versailles. Et officiellement, en 91, grâce au plan Université 2000, ça devient une université. Et après, il y a aussi, dans cette vague, Cergy Pontoise, Évry-Val-d'Essonne et Paris-Est, Marne-la-Vallée. Toutes les trois deviennent une université au sens propre et juridique en 91. Voilà pour le résumé. Nous avons aujourd'hui 170 000 étudiants universitaires à Paris sur 300 000 étudiants du supérieur globalement. Alors, les points faibles du système, ce n'est pas tellement du système hérité de 70 et prolongé encore pendant quelques décennies, pas tellement la séparation idéologique droite-gauche, qui finalement, surtout depuis qu'elle est amoindrie, ne pose pas particulièrement de difficultés et ne semble pas un obstacle au travail scientifique à mes yeux. Dans le monde entier, il y a des universités dont l'orientation idéologique et politique fait partie de leur image publique. On sait que certaines universités américaines sont plus de droite ou plus de gauche, et cela ne gêne personne, mais je ne crois pas que cela gêne le travail des universitaires, au contraire, d'une certaine façon, ça crée une image plus claire pour les étudiants. La séparation des disciplines, en revanche, me semble plus problématique. Si on regarde ces 40 ans, je pense qu'elle a des inconvénients. Nous pâtissons encore, 46 ans après la loi Faure, de l'héritage de l'ancienne organisation de facultés séparées. Plus grave, nous avons des universités comme la mienne, Paris 3, qui ne réunit même pas toutes les disciplines d'une traditionnelle faculté de lettres. Il n'y a pas d'histoire à Paris 3, il n'y a pas de philosophie à Paris 3. Ce n'est, je dirais, même pas une faculté au sens pré-68. Et personnellement, je pense, c'est l'objet d'une discussion, je donne simplement mon avis, qu'il était souhaitable que Paris ait des universités multidisciplinaires. Et non pas seulement une université multidisciplinaire qui est Paris 7. Alors, voyons le paysage qui s'est maintenant dessiné depuis 5 ans, à partir de la création des presses en 2006, je vous le rappelle, c'était le gouvernement Villepin encore, puis la loi LRU, puis les IDEX 2011, et enfin les communes. Alors, je trouve que en ce qui concerne la réorganisation de ce paysage parisien, on aurait pu tenir compte de trois critères, c'est tout simple. Les disciplines, en allant dans le sens de la complémentarité, pour éviter les doublons et pour créer des interactions interdisciplinaires utiles, certainement à la recherche, mais encore plus à l'enseignement. À la recherche, je veux dire, on peut se débrouiller sans se réunir, nous sommes capables de collaboration, pour l'enseignement, c'est plus complexe. Donc, un critère de discipline d'abord, un deuxième critère serait la taille, et un troisième critère, la géographie, tout simplement, la localisation. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Je vous fais un rappel le plus rapide possible. Nous avons l'ESAM avec une seule université, Paris 1, plus l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'INSAM, le Conservatoire des arts et métiers, l'École française de l'Extrême-Orient, l'École des hautes études en sciences sociales, l'École nationale des chartes, l'École pratique des hautes études, etc., etc. Puis nous avons, à côté de cela, Sorbonne, Paris Cité, avec Paris 3, Paris 5, Paris 7, Paris 13, plus Sciences Po et l'INALCO. Un ensemble immense qui fait 120 000 étudiants, comparable en Europe seulement à l'Université de Rome, qui s'est développé historiquement d'une manière immense et qui, tout en étant une bonne université, il faut bien le dire, n'est pas, comment dire, un modèle d'efficacité bureaucratique. Autre exemple, l'université de Mexico, paraît-il, mais je n'en sais rien. Donc, 120 000 étudiants, 6 000 enseignants, etc. Sorbonne Université, Paris 3 et Paris 6, vous le savez, avec peu de choses autour, l'Université de technologie de Compiègne, qui est une école d'ingénieurs, le Muséum national d'histoire naturelle et l'INSEAD. Et puis, la commu Paris Arts et Lettres, là aussi où nous avons une seule université, Paris Dauphine, qui a le statut d'établissement, de grand établissement, mais qui continue d'utiliser le mot université dans son nom. Et puis, à côté de Dauphine, l'ENS, le Collège de France, les SPCI Paris Tech, Paris Tech Chimie, etc. En banlieue, qu'est-ce que nous avons comme commune? Nous avons Université de Paris, c'est-à-dire Paris Sud, l'ancienne Paris 11, Versailles-Saint-Quentin, qui, après avoir fait un tour de danse avec Sergi, est revenu dans le sud de Paris, Évry-Val-d'Essonne aussi, et bien sûr tout ce qui est ENS de Cachan et l'École centrale de Paris. Là, nous avons, et c'est le seul cas, une commune sur un critère géographique clair. Après, nous avons Paris-Est. Oui, je devrais dire que sans doute, ça aussi, c'est assez justifiable d'un point de vue géographique. Marne-la-Vallée, Créteil-Val-de-Marne, vous le savez. Après, nous avons le Paris Grand Ouest, c'est-à-dire Cergy-Pontoise, seul, plus, parce que, justement, en 2013, Versailles a quitté ce regroupement. Cergy-Pontoise, plus une flopée d'écoles diverses. Et bien sûr, Paris-Lumière, c'est-à-dire cette réunion, à mes yeux, assez injustifiable, de Nanterre et Saint-Denis. Nous avons aussi une autre commune dont tout le monde ignore l'existence, qui s'appelle le Collegium Île-de-France, où il n'y a aucune université, mais deux écoles publiques, ENCA et SUPMECA. Je ne sais pas du tout ce que c'est, vous devez le savoir. Alors, les critères que j'ai évoqués, il est évident, géographie, ça n'a joué que dans quelques cas. La plupart du temps, on a plutôt ignoré toute contrainte géographique. Je vous ferai remarquer que le bon sens aurait voulu peut-être que Saint-Denis et Villetaneuse se retrouvent à mi-chemin, alors que la présidence de Paris 13 a préféré rentrer dans Paris, dans Sorbonne Paris Cité. La taille ne paraît avoir été retenue comme critère non plus, parce que nous allons jusqu'à des ensembles de 120 000 étudiants, alors que Dauphine continue d'avoir 10 000 étudiants, et je ne pense pas que le Collège de France lui en apportera beaucoup. Nous sommes confrontés à l'isolement de Paris 1, et nous sommes confrontés à l'isolement provisoire de Paris 2, ce qui me semble extrêmement problématique. Nous avons entendu ce matin le président de Paris 2 qui n'a pas tranché quant à l'avenir de son université. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les juristes restent de leur côté, hein, et que la logique des facultés reste très forte. La seule université disciplinaire de Paris, je l'ai déjà dit trois fois, Paris 7, aurait pu rester seule. Il n'y avait aucune raison de la forcer à fusionner avec qui que ce soit. Donc, nous avons cet énorme regroupement de facultés de médecine à l'intérieur de Sorbonne-Paris-Cité. Je vous donne quelques chiffres, parce que là, je pense que tout le monde n'est pas au courant. Bien sûr, ceux qui sont plus concernés le sont. Ce regroupement, Paris 13, Paris 5, Paris 7, en médecine, donnera 6 000 étudiants en première année et autour de 800 étudiants par année pour les années suivantes, c'est-à-dire fois 5, 4 000 étudiants de médecine. Cela représente plus de la moitié de tous les étudiants parisiens de médecine, qui sont, selon la loi, vous savez, il y a un décret tous les ans, 1529 en 2013. Il y en aura 800 seulement pour pardon, qu'est-ce que je dis ? Il y en aura 6 000 plus 4 000. Il y en aura 800 seulement pour la première année à Paris 5, 7 et 13. Excusez-moi, je mêle mes pinceaux à cause des chiffres. Mais vous m'avez compris, en réunissant ces trois facultés de médecine, on absorbe la moitié de l'enseignement de la médecine, plus de la moitié de l'enseignement de la médecine à Paris. Il est évident qu'il s'agit d'une machine de guerre contre la médecine de Paris 6. Je ne connais rien aux querelles entre médecins, mais ça se voit de loin que c'est ça la tentative, créer une immense faculté de médecine, la plus grande en Europe, 21 CHU réunis, 21, j'ai fait le calcul hier soir. C'est ça la logique, la seule compréhensible dans tout ça, à part le despotisme ministériel. Il y a des regroupements qui sont faits selon des logiques. L'autre logique, bien sûr, c'est cette espèce de caprice despotique qui est le rapport personnel entre les présidents. Nous avons eu des alliances qui se sont faites et des alliances qui se sont défaites purement et simplement sur la base de ces rapports. Et bien sûr, la logique de ces grandes disciplines qui étaient celles des facultés fortes de l'ancienne Sorbonne, c'est-à-dire droit et médecine, des facultés fortes dans la société, parce que nous savons très bien que les seuls universitaires qui ont du poids dans la société sont les juristes. Et les médecins, parce que ça fait peur à tout le monde d'être soigné par quelqu'un qui ne soit pas bien formé, et les juristes, parce que nous avons besoin pour régler un certain nombre de questions, et parce que les juristes sont les seuls qui sont capables de parler avec des députés. Oui, excusez-moi, mais je vais vraiment vers la conclusion. Donc, bien sûr, les médecins ont choisi de se réunir, et les juristes ont fait le choix opposé, c'est-à-dire de rester séparés des autres disciplines et de rester séparés entre Paris 1 et Paris 2. Mais, finalement, la dynamique tourne toujours autour de ces grandes disciplines. Alors, moi, je pense que, bien sûr, on ne pouvait pas revenir à la Sorbonne d'avant 68, il est évident, mais deux voies, me semble-t-il, étaient possibles. La première voie, celle de constituer dans Paris-Centre plusieurs universités multidisciplinaires, vraiment multidisciplinaires, de taille raisonnable, c'est-à-dire pas supérieure à 50 000 étudiants, grand maximum. Mais pour ce faire, on ne devait pas d'abord donner par la LRU un pouvoir exorbitant au président à travers le type d'autonomie qu'on a voulu créer, et on aurait pu prendre en considération ce qu'on avait fait en 68, l'avis de chacun, parce qu'après 68, on a laissé aux professeurs le choix de leur université de rattachement. Ça, c'est une question qui n'a jamais été abordée, me semble-t-il, et qui devrait être abordée. Si mon président veut faire une fusion avec tel et tel, moi, professeur de son université, je devrais avoir le droit de choisir un autre regroupement. C'est ce qui s'appelle voter avec ses pieds, puisqu'on ne nous laisse pas voter sur les décisions qui comptent, au moins qu'on nous laisse choisir dans quelle sauce on doit être cuisiné. Bien sûr, la deuxième option sur laquelle on aurait pu avoir un débat utile et intéressant aurait été celle d'une confédération de toutes les universités de Paris et peut-être de Paris et d'Île-de-France sur le modèle londonien. C'est revenu dans les derniers mois dans la discussion. Cette confédération, comme à Londres, aurait dû avoir des pouvoirs limités mais stratégiques, par exemple en matière de projets immobiliers. Entre ces deux options, je crois, le débat aurait été utile et intéressant, mais on ne l'a pas voulu pour les raisons que nous tous nous savons, parce que nous sommes désormais gouvernés par une caste qui a pris le pouvoir et qui ne laisse aucune possibilité de choix et de discussion. La question de l'association, c'est-à-dire de la transformation des communes actuelles en association, me laisse quand même perplexe. Il me semble que l'association dans les regroupements actuels et selon cette logique-là, serait le moindre mal, et je serais prêt moi aussi, si on faisait un référendum, à choisir association plutôt que commu, mais ce ne serait rien de plus que le moindre mal. Merci. Donc, merci de cette mise en perspective et de ces réflexions. Et la parole est à la salle.